Minute, président Bandakani. Moi, je voulais ajouter à la suite de Tatinda que vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a un problème sérieux en Europe et aux États-Unis. Les dirigeants occidentaux n'ont plus de crédit devant leur peuple. Il y a un problème très sérieux. Et Poutine, les populations européennes et américaines voient en Poutine le modèle de dirigeant qu'ils aimeraient avoir, qui s'occupe de son peuple, qui est totalement concentré, consacré à solutionner les affaires de son peuple, et qui n'est pas l'esclave ou la propriété privée des mafias financières occultes. Donc les dirigeants européens le savent très bien, occidentaux. Donc il faut attaquer le crédit de M. Poutine à tout moment. À tout moment. Parce qu'en termes de charisme, en termes de carrure aujourd'hui, dans le monde, vraiment les populations européennes, vous n'avez qu'à voir les commentaires, les enquêtes d'opinion partout, sont fascinés par la personnalité de M. Poutine. Et ça, je vous dis, c'est sérieux, les occidentaux, l'élite occidentale ne veut pas admettre ça. Parce que ça serait leur fin, c'est leur mort. Donc à chaque fois qu'ils ont l'occasion de balancer des choses qui n'ont pas de sens, ils les balancent. Parce que quand vous regardez à chaque fois, par exemple, les montages qui ont été faits pour dire que la Russie a fait tel crime durant toute la guerre en Ukraine, mais le niveau tellement grossier démontre qu'ils n'ont plus rien sous la main. Ils n'ont plus rien sous la main. À chaque fois qu'ils ont accusé Poutine, parce que le gars, il fait une guerre. Ils sont surpris parce que le gars fait une guerre extrêmement professionnelle en Ukraine. Extrêmement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de l'accuser d'un quelconque crime. Aucune. Au contraire, c'est M. Zelensky qu'on doit arrêter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le gars pose des actes, c'est un professionnel, c'est un dirigeant sérieux, il a étudié la guerre, il a bien préparé son opération, pas moyen de l'accuser. Deuxièmement, vous savez très bien que, comme disait Bertrand, mais la question des crimes contre l'humanité, mais dès que vous déclenchez ça, mais ceux qui sont le plus en danger, ce sont les dirigeants occidentaux, y compris ceux qui ont quitté le pouvoir. Pouvoir. Parce que Obama, Bush, David Cameron, il y en a même qu'on va les réveiller, on va creuser leur tombe. On va creuser leur tombe. Donc vous voyez très bien que ça dit que on est devant une situation quand même. Il n'y a que les Occidentaux pour s'amuser à ce genre de farce. C'est quand même terrible de voir que, mais, imaginez-vous, le plus grand criminel reconnu comme tel de la Terre poursuit quelqu'un qui, lui, au contraire, protège les faibles, défend les innocents. C'est dans un tel schéma qu'on se trouve. C'est-à-dire que c'est un renversement de perspective. Et ça, c'est les Troussiens qui savent le faire. Les Troussiens, aux États-Unis, c'est des gens qui font ce qu'on appelle le mensonge noble. C'est-à-dire, on ment consciemment. Pourvu que ça vise les intérêts politiques précis, qu'on puisse atteindre ses buts, les Troussiens. Ils appellent ça le noble mensonge. On démolit un adversaire, on le caricature, pourvu qu'on réussisse à faire passer dans l'opinion une certaine perception des choses, des phénomènes, pendant qu'on est en train d'agir. Le temps que l'opinion se réveille, on a réussi, on enchaîne un autre mensonge. C'est, vous voyez que c'est le mensonge est élevé au niveau d'une pratique d'État et d'une stratégie politique. On est à ce niveau en Occident. Parce que quand vous regardez tous les plateaux qu'il y a eu sur la guerre en Ukraine, ces mensonges, Mme Kappen, ces mensonges depuis le début du conflit. Et ils n'ont fait que mentir. L'autre jour, en plein plateau, je ne sais pas, d'un média français, je ne peux pas citer ici, il y a un général de plateau, pendant qu'il bavardait, il gueulait, mais on a montré les images à Bakhmout, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il disait. En direct, hein. Et il s'est mis comme ça, il tourne sa tête, il regarde comme ça, mais après, il a le courage, il va revenir la prochaine fois. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont créé des généraux sur des plateaux qui disent, ils ont passé le temps à mentir depuis, mentir les populations, vraiment à l'issue de cette guerre, vraiment, mais c'est plus qu'un procès qu'il faudra, parce qu'il faudra qu'on explique, mais quel est ce type de propagande de guerre qui consiste à mentir aux populations au quotidien, alors qu'elle a la possibilité d'avoir la vérité en face. Si moi je vous trompe, si vous donnez une fausse information, je dois être sûr que vous n'avez pas la possibilité de la vérifier ailleurs. Donc ça ne vaut pas la peine. Mais si vous avez les moyens de vérifier l'information, à quoi ça me sert de mentir? Sauf si je suis un malade mental et que bon, c'est devenu une forme de vie pour moi. Mais ils ont passé le temps à faire ça durant toute la campagne. Mais lorsqu'un média comme LCI se met, on fait 2 ou 4 émissions, ou à l'ordre du jour, c'est comment tuer Poutine. Mais c'était devant le monde entier, non? Parce qu'il est important de rappeler ça. Nous qui recevons souvent ici de temps en temps des leçons de déontologie par certains malades mentaux qui ne savent même pas quoi faire, mais vous avez vu, ça n'a pas gêné ces Africains pro-occidentaux n'ont pas été gênés de voir comment sur LCI, vous ne pouvez pas la citer, au moins 4 émissions ont été faites où la question est comment assassiner Vladimir Poutine. Ça n'a gêné personne en fait. ça n'a gêné personne, madame. Vous voyez à quel niveau les gens sont arrivés. Donc, il faut inscrire cette diversion, ces fake news-là, dans cette dynamique-là. Je ne vais pas insister sur le fait que, bon, un tribunal sérieux évite d'émettre un mandat qui ne peut pas appliquer. Dès que vous le faites, vous n'avez plus de crédit. Donc, quand vous émettez un mandat, il faut l'appliquer, non? Moi, je vous demande alors, quel est l'État là? Qui va appliquer ça? Si c'était vrai, comment ça va être appliqué? Vous vous rappelez que M. Bolton, le fameux moustachu, le plus grand moustachu mondial, il a dit, tu le connais, non, Alvarez? M. Bolton, il a été clair. Quand la... ce qui est noir de peau, officiant à la CPI là, Mme Bensouda, c'est pas dans un délit ce qu'il a pris, elle voulait s'intéresser au crime de la main américaine en Afghanistan. Alors immédiatement, M. Bolton a dit, non seulement nous allons détruire la CPI, mais toi, on va t'arrêter. Tes avoirs ici, on va les confisquer. Hein? On va t'arrêter. D'abord, là où tu es maintenant de mettre pied ici, désormais, alors là que nous viennent t'arrêter là où tu te trouves. Il était très en colère, ses moustaches ont commencé à bouger comme ça, en direct, très en colère. Donc, quand vous dites, la CPI met un mandat d'arrêt contre M. Poutine, ça va sortir du bureau du monsieur qui a mis, parce que le procureur a dit qu'il ne se reconnaît pas là ça. Qui a mis ça? Ça vient d'où? Ça sort d'où? Qui a émis? C'est le procureur de la CPI, lui, me dit que non, la fête, je ne connais pas. Qui a émis? Ça nous ramène aux différents trafics qu'il y a souvent dans ce machin. Le trafic qu'il y a derrière. Trouve dans le communiqué, on parle de la chambre préliminaire 2 de la CPI. Bon, on a tout compris. C'est tout ce trafic-là. Puis le procureur vous dit, je ne connais pas cette affaire. Mais on a habitué à ce trafic de la CPI. Vous connaissez le trafic qui se passait entre M. Ocampo en son temps et Mme Bensouda qui était sa femme de main. À l'époque, dont la CPI est connue pour ça, son niveau de corruption dépasse les limites. On peut tout y faire. C'est une boîte, excusez-moi, de crapulerie et de cancre, où on fait tout et tout pourvu que, n'est-ce pas, les donneurs d'ordre, les vrais patrons, qui sont les occidentaux, réussissent à mener des opérations coup de poing comme de ce type-ci, et essayer de temps en temps de faire la diversion comme ils sont en train de faire là. Et voilà ce que je voulais ajouter. Afrique Média, le monde, c'est nous.